Asante Mwenyezi Mungu. Asante juu ya neema kubwa ulifanya kwetu. Wakati kila mmoja katikati yetu alikuwa kuna wayoya katika duniani, katika mapendo yako uweze kuchinja mwana kondo juu apata ambao kulipa deni ya dhambi yetu na kutumisha katika mstari. Wakati rumbaka Adam na Eve unaweka ndani ya shamba Eden, sabi hawakuheshimu neno lako e Bwana, bali ivunja na balabala ya kwenda kulufu ilionekana. Me katika mapendo na buluma yako ulitunakaka mkombozi, na wakati iliwezi kufika ulivala mwili ya kimtu unakuya jua kushiriki pamoja nasi. Na kile tuko na kuomba mfalme, we peke njo baba na mwokozi, upata ambako kutusaidia, utufundishe manjia yako tupate kuielewa mzuri. We peke upate kuwa mtafsiri wa maneno lako ndani yetu, na utongoze njia ya uzima. Seigneur, asante. Batoto yako banaume na banamuke abakuja kushikia mtu, barakuja kushikia wewe Mungu. Ndio mawazo yangu na binti yangu yaja bu mtu ukiweke kumpembeni e Bwana. Wewe peke pate kunichukua sawa chombo, useme na taifa yako juu ya baraka yetu na juu utukufia jina lako. Kwa mambo yote tuko nayo ndani ya maisha, muimani yetu unajua kusema we peke uko na jibu kila kitu. Na ujibu nduku, ujibu dada, juu ya maendeleo ya falme mbingu. Bariki neno tutasoma, Tazama, tuko naanza mafundisho mrefu, lakini tuko bezwe na msaada yako, e Bwana, upate kutuasiste na kutongoza mukila kitu kile wewe Mungu unapenda hii kanisa ipate kujua, upate kuweka yule ulimi yangu pour leur edification. Merci Seigneur, bariki kanisa yote mzima, ubariki baongozi wa hii kanisa, ubariki kwaya yetu, ukumbuke kusema tuko mali yako, na ile ambayo tuko nayo ya mafaa kabisa wewe unaisha kujua, utupachie hiyo juu kurudia kwako ni karibu. Merci Seigneur. Tunaacha imukusanyiko mbele ya mikono yako, jina la Yesu Kristo tunakuomba hivi, amen. Dans Jérémie au chapitre 25, Jérémie chapitre 25, Jérémie ma cour, verset 1 à 12. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La quatrième année de Joachim, fils de Joab, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ilikuwa mwaka wa kwanza Nebukadnezar mfalme wa Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant. Neno ambayo Yeremia alitangaza kwa taifa yote ya Yudea na mbele ya bakaji wa Yerusalemu mkusema. Depuis la 13e année de Joas, fils d'Amon, roi de Juda. Tangia mwaka ya 13 ya Joas, mwana wa Amon, mfalme wa Yuda. Il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Kunakuwa miaka 23 ambao neno ya wamilele ililetewa. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Nilizungumza nanyi, nilisema na mweye tangia asubuhi na mweye amkushikia. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Wa milele alimitumia batumishi yake yote na banabi, alibatuma tangia asubuhi na mweye amkubashikia. Amukutega mashikio kubashikia. Ils ont dit, balisema, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. Murudie kila mmoja wenu manjia yake mubaya na mukali ya matendo yenu. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Na mutabakia muinchi ile nilikabudia baba yenu milele na milele. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Mushende kuba miungu ingine jua kuitumikia na kuinama kumbele yayo. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mushinishirikishe kupitia kazi yenu ya mikono yenu na sitamifanyishia vibaya. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel. Lakini moi mkunishikia wa milele anasema. Afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Juu mupate kunishirikisha kupitia makazi ya mikono yenu juu ya ole yenu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Njoo kwa maana hivi wa milele wa majeshi anasema. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. Juu amkushikia neno yangu. J'en verrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. Nitaenda kutafuta taifa yote ya septentrion wa milele anasema. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Na nitatuma kumbele ya Nebuchadnezzar mfalme wa Babylone mtumishi wangu. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour. Nitamuita apate kuya kukombanisha hii nchi, akombanishe bakaaji yayo na bale benye kuketi kando kando yayo, afin de les dévouer par interdit. Ju apate kubaua bote et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Na aifanye kuye tendo ya haya na ya kuchekelea ya kuharibika. Je ferai cesser parmi eux les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les cris des les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les bruits de la mêle et la lumière de la lampe. Nitanyamazisha katikati yabo fura, makelele yote ya fura, mimbo ya bachumba na mimbo ya kuchumbia na mimbo ya kuririsha binanda na nuru ya ta. Tout ce peuple deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Hii nchi itakuya ya kuharibika na itakuwa jangwa, na hii taifa itatumikia mfalme wa Babilone miaka makumi sita, miaka makumi saba. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, sasa wakati ile miaka makumi saba itaenea, je châtierai le roi de Babylone et cette nation de l'Éternel, itapika mfalme wa Babilone na hii nation hivyo wa milele anasema, à cause de leur iniquité, juu ya uovu yabo, je punirai le pays de Chaldéens, ta apiza nchi ya Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Na nitafanya yaharibike milele. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusoma neno yake. Ce soir, nous commençons un long sujet. Mangaribi ya leo tunaanza shina ingine mrefu. Qui nous prendra suffisamment de temps. Ambayo itatuchukua wakati mrefu. J'irai avec cet enseignement lentement. Nitaenda na mafundisho pole pole. Pour que chacun de nous saisisse la pensée la plus profonde du Saint-Esprit pendant ces derniers jours. Juu kila mmoja wenu apate kushikia wazo ya upana ya Roho Mtakatifu muhimu siku ya kumwisho. Nous prenons ce sujet parce que nous sommes dans une période prophétique. Tuko na beba hii shina ya mahubiri juu tuko mwakati ya unabii. C'est un temps où l'Église doit être entièrement réveillée, comme nous l'avons montré dans les jours passés. Ni mwakati mule kanisa inapasha kuya yenye kulamuka kabisa vile tulionyesha wakati ya kupita. Nous sommes dans des moments qui sont semblables au moment dans lequel Jérémie s'est retrouvé avec le peuple d'Israël. Tuko mwakati ya kufanana na wakati ile Yeremia alianza kupatikana na taifa ya Israel. Bien que les 70 semaines ne concernent pas les nations, hata vile ile majuma makumi saba ayangalie watu wa mataifa, cela ne concerne pas l'église des nations, ile ayangalie kanisa ya watu wa mataifa, mais par la grâce du Seigneur, lakini kupitia neema ya Bwana, nous allons fixer nos pensées, tutaweka wazo yetu, et pour y tirer quelque chose qui nous sera profitable. Na juu ya kutosha amo kitu kimoja kile kitakuwa faida kwetu. C'est pourquoi ça ne sera pas entièrement un enseignement comme à l'école. Njoo kwa maana haitakuwa kabisa kabisa sa vile mafundisho ya mafunzo ya kiteolojia. Mais il sera mêlé de l'enseignement et de l'évangile pour que tout le monde comprenne correctement les choses de Dieu. Lakini tutachanga mafundisho na injili juu kila mmoja wenu apate kuelewa namna mzuri. Mais le souci le plus profond en prenant ce message est de réveiller chacun de vous pour qu'il considère qu'il n'y a plus de temps pour nous, le temps est déjà avancé. angaiko tuko nayo ya kubebea hii mjumbe ni juu ya kulamusha kila mmoja wenu apate kujua wakati ambao tuko naishi. Surtout que nous sommes à l'ombre du retour du Seigneur Jésus Christ. Kabisa kabisa wakati tunapatikana mkimvuri kwa kurudia kwa Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate kubariki. Priez pour moi. Muniombe. Et que Dieu me donne des termes. Mungu anipe misemo. Juste pour exprimer toute la pensée divine. Misemo mizuri juu ya kuonesha wazo yote ya kimungu. Pourquoi nous n'allons pas seulement commencer directement avec les 70 semaines de Daniel? Njoko maana tutaanzia kabisa kabisa 70 semaines de Daniel. Nous allons évoquer beaucoup de choses. Tutalamusha vitu vya mingi. Pour asseoir les choses que nous allons dire. Juu ya kuikarisha mzuri vitu ambavyo tutasema. Et prenez ces choses pour vous-même. Na mubebe hivi vitu juu yenu mwe wenyewe. Ne prenez pas ces choses comme si Dieu parlait à Israël ou comme si c'était une histoire. Mushibebe bintu sa vile Mungu yuko nasema ni juu ya Israeli au juu ya mambo mengine. Non, que chacun de vous y tire son sens spirituel. Hapana kila mmoja wetu apate kuchukua hali yake ya kiroho. Et j'ai confiance que tout véritable chrétien, tout véritable élu comprendra la parole prophétique. Na mimi natumainia kusema kila mkristo wa biakweli na mteule wa biakweli ataelewa neno ya kinabii. Parce que si vous ne comprenez pas la parole prophétique, je douterai fort de votre élection. Ju kama amuelewe neno ya kinabii, mimi tashakia sana na kuchaguliwa kwenu. L'élu dans cet âge de l'Odyssée, mteule mwikizazi kwa Laodikia, doit comprendre clairement, anapasha kuelewa mzuri mzuri, et exactement, na muusawa, les signes du temps, maalama ya wakati, il doit comprendre correctement, anapasha kuelewa mzuri, et exactement, na mnamna mzuri, la parole de notre temps, neno ya wakati yetu, c'est ce qui va réanimer en lui l'effet divin, njo ile talamusha ndani yake moto ya kimungu, pour chercher la face du Seigneur jour et nuit. Dieu apate kutafuta uso wa Bwana usiku na mchana. Et se mettre en ordre avec le Seigneur. Na apate kujitayarisha na Bwana. Lorsque nous prenons Jérémie au chapitre 1. Wakati tunabeba Yeremia sura yake ya kwanza. Et lorsque vous associez tous les livres de Jérémie, na wakati munachanga kitabu kyote kya Yeremia, vous remarquerez qu'il y est parlé de l'appel de Jérémie. Mutaona kusema inasemewa juu ya wito ya Yeremia. Ça c'est la première des choses dans le livre de Jérémie. Ile ndio kitu kya kwanza mkitabu kya Yeremia. Un, il y a l'appel de Jérémie. Qui a kwanza koko wito ya Yeremia. La deuxième chose, vous verrez que Dieu parle avec beaucoup d'affection à Israël. Kitu kia pili mutaona kusema Mungu yuko nasema na mapendo mingi juu ya Israël. Ça révèle l'amour de Dieu pour Israël. Iko naonekanisha mapendo ya Mungu juu ya Israël. Et la troisième chose, vous remarquerez l'abandon ou l'apostasie du peuple israélite. Na kitu kia tatu mutaona kuachiria kwa imani kwa batu ya Israel. Et vous verrez la quatrième chose, c'est l'appel à la repentance. Kitu kia ine mutaona pale ni mwito juu ya kutubu. Et lorsque le peuple d'Israël s'était endurci dans le péché, alors la colère de Dieu est tombée sur eux. Na wakati taifa ya Israel bariweka moyo mugumu muzambi na kasirani ya Mungu ilibangukia. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu Mungu asifanyake kintu juu akukifanya tu. Dans Jérémie au chapitre 1. Mu Yeremia sura yake ya kwanza. Dans son verset 1, mustari yake ya kwanza. Jusque dans le verset 10, kufikia hapa mustari ya 10. Nous y trouvons l'appel de Jérémie. Tunakuta hapa wito ya Yeremia. Et la définition de sa mission ou de sa tâche. Na kumuonesha kazi ya ye kufanya. Mais pour aller un peu plus vite, lorsque nous lisons dans son verset 4, il est dit, Dieu a kwenda mbio mbio kama tunasoma mstari wake wa 4 inaandikiwa kusema, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Neno ya milele linionekania mimi msemo. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mbele ya mimi kukutunga mtumbo ya mama yako nilikujuaka. Et avant que tu ne sois sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Na mbele yawe kutoka mtumbo yake nilikutolea na nilikuweka nabii wa mataifa. Lorsque nous nous arrêtons sur ce verset 5, wakati tunashivania pale mstari ya 5, nous comprenons que Dieu nous connaît à fond. Tunaelewa kusema Mungu anatujua mupana sana. Dieu connaît chacun de nous avant même qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Mungu anajua kila mmoja wetu mbele ya yeye atakupatikana mtumbo ya mama yake. Dieu connaît chacun de nous, Mungu anajua kila mmoja wetu, avant qu'il soit né dans ce monde. Mbele hata yeye kuzalika mwi dunia. Si Dieu nous a connus avant que nous soyons dans les seins de notre maman, kama Mungu alituyuaka mbele hata ya shiku ya mtumbo ya mama yetu, il nous a connus avant que nous ne venions sur cette terre, alitujua mbele hata ya shiku ya pai dunia, cela rassure chaque frère et chaque sœur, iko na kaburi hakikisho kila ndugu na kila dada, Dieu nous connaît en toutes choses et sur tous les points. Kusema Mungu anatujua mubitu vyote na mkila mambo. Il connaît notre commencement comme notre fin. Anajua mwanzo yetu paka vile anajua mwisho yetu. Et si nous allons un peu plus loin, na kama tunaenda yulu kabisa, nous comprendrons, utaelewa, que nous avons déjà existé dans la pensée de, dans la pensée de Dieu. Kusema tulikuyaka hapo tangia zamani mawazo ya Mungu. Pendant que Dieu était Elohim. Wakati ile Mungu alikuwa kingari Elohim, il était encore esprit. Alikuwa kingari roho, celui qui vit par lui-même. Ule alianza kuishi kwa yeye mwenyewe. Il avait beaucoup d'attributs dans sa pensée. Alikuwa na makazi mingi mawazo yake. Depuis ce temps-là, tangia mwile wakati ile, avant que le temps n'exista, mbele hata wakati kuweko, Dieu nous connaissait. Mungu alituyuaka. Et il savait ce que nous serions sur la terre. Na aliyua kile tulipasha kuya pa dunia. Et il savait, na aliyuaka, ce que nous le temps que nous prendrons sur la terre. Wakati ile tunapasha kupitisha pa dunia. Et ce que nous ferions sur la terre. Na kile tunapasha kufanya pa dunia. Dieu savait cela. Mungu aliyuaka ile. C'est vraiment une assurance. Ni hakikisho kabisa que chaque frère et chaque sœur doit avoir. Il est kila nduku na kila dada anapasha kuwa nayo. Si dans votre foi, kama muimani yako, tu sais que tu es connu de Dieu. Unajua kusema Mungu anakujua. Tu étais connu de Dieu. Kusema Mungu alikujuaka. Tu es connu de Dieu. Kusema Mungu anakujua. Il n'y a rien. Hakuna alors rien, hakuna kintu que Satan peut faire sur ta vie, ile shetani anaweza fanya bila maisha yako, qui peut te décourager, ile anaweza kulekesha, ou ôter ta confiance en Dieu, au ipate kukutosha matumaini ndani ya Mungu. Il n'y a rien, hakuna kintu qui peut arriver dans votre vie, inaweza kufika kwa maisha yako, qui peut vous détacher de Dieu, kile kinaweza kutukunya kwa Mungu. Akinako il n'y a rien, hakuna kintu qui peut arriver dans votre vie, kinaweza kufika maisha yako, qui peut vous faire douter, inaweza kushakisha votre salut, kusema okovu yako. Non frère, hapana ndu. Non ma sœur, hapana dada. Nous commettons des bavures, tuko nafanya bitu mankosa. Mankosa. Nous commettons beaucoup de fautes, tuko nafanya makosa ya mingi, et beaucoup de folie, na mamajimu mingi, parce que en réalité nous ne connaissons pas encore ce que nous sommes. Dieu mu kweli atuyayua kile tuiko. Nous n'avons pas encore cru que nous nous sommes connus de Dieu. Shebalo kwa mini yaka kusema Mungu anatuyua. Kama Mungu alikuyua au yazariku. Manake alikuyua mubintu bya bien. Na kama Mungu alikuyua mubintu vizuri, Mungu alifuanya mapo mzuri juu ya maisha yako. Là tu n'as pas de crainte. Pale una na boka. C'est vrai, ni kweli. C'est que dans la pensée de Dieu, ni kusema mawazo ya Mungu, Dieu nous connaissait. Mungu alituyuaka. Dans ses pensées, mule mawazo yake, nous étions ses élus. Tulikuwa wateule wake. Lorsqu'il nous a conçus dans les seins de notre mère, wakati alitutunga matumbo ya mama yetu, il nous connaissait. Alituyuaka. Et il savait Nariwaka. Même la matière avec laquelle il nous avait conçus dans les seins de nos mères. Il les connaissait. Ariwaka ata bila alitutungaka nabio matumbo ya mama yetu. Ah, anayua, anayua bila alitufuana nabio. Vous voyez? Unaona? Il nous connaissait dès les seins de notre mère. Alituyuaka matumbo ya mama yetu. S'il a connu ça, kama aliua ile, qu'est-ce qui peut le surprendre dans votre vie? Sasa ile tamushitusha maisha yako ni nini? Rien du tout, frère. Hakuna kitu hata kimoya. Regarde comment Dieu parle à Jérémie. Angalia vile Mungu anasema kwa Yeremia. Pour le rassurer. Juu ya kumkaburia hakikisho. Il dit, écoute Jérémie. Anasema sikia Yeremia. Avant que toi tu sois conçu dans les seins de ta mère, mbele yawe kutungwa mutumbo ya mama yako, moi l'Éternel des armées, mi wa milele wa majeshi, je te connaissais, nilikuyuaka. Et comme je te connaissais dès les seins de ta mère, sasa vile nilikujuaka tangia mutumbo ya mama yako, je t'avais déjà établi, nilikuwa déjà nisha kukuweka, prophète des nations, nabii wa mataifa. Et les nations dont il parlait ici, na mataifa ambayo unasemea hapa, d'autres nations peut-être n'avaient même pas encore existé. Mataifa ingine ilikuwa haya kuyaka atako. Dieu connaît toutes choses. Mungu anajua vitu vyote. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans notre vie. Koko vitu vya mingi vya maisha yetu. C'est nous en tant qu'humains, nishisa bantu, des fois nous sommes agités, mara mingi tunegalaka ba kuhangaika, parce que nous ne voyons pas plus loin que notre nez. Juu atonake mbari kupitia mpua yetu. Nous voyons que là où s'arrête notre nez. Tunaonaka paka pale panamarisikia mpua yetu. C'est ce qui nous embrouille beaucoup dans les choses divines. Juu ile kuna tuangaisha sana mvitu vya kimungu. Frère, nduku, ma sœur, dada yangu, si tu sais, kama unayua, et que tu le crois de tout votre cœur, na unaamini na roho yako yote, que Dieu te connaît, kusema Mungu anakujua, commencez par ôter dans votre cœur, anzia kutosha mu roho yako, la pensée de la perdition, mawazo ya kusema utapoteaka, amini mu roho yako ya kusema mie sitapoteaka. C'est vrai, ni kweli. Regardez dans le psaume. Tazama mazaburi. Psaume 139. Zaburi 139. Mungu alikujua, Mungu alinijua. Alitujua mu njia ya mzuri. 13 à 15. 13 na 15. C'est toi qui as formé mes reins. We njori tunga viungo vyangu. C'est David qui dit. Ni Daudi anasema. Vous pouvez commencer même dans le verset, même au chapitre 1, disons au verset 1. Munaweza kuanzia hata pa mstari ya kwanza. Quand il dit ceci, wakati anasema hivi. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Wa milele uko unanichunguza na unanijua. Ni Daudi anasema. Eternel, wa milele. Tu me sondes et tu me connais. Uko unanichunguza na unanijua. Avant que tes pensées ne s'élèvent en toi, mbele ya mawazo kulamuka ndani yako, je le connais. Mungu anaijua. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Uko najua wakati niko naikala na wakati mina lamuka. Il n'y a aucun mouvement que tu peux faire que l'Éternel ne connaît pas. Ça n'existe pas. Hakuna hata kutenga kule unaweza kufanya ile wa milele sitajua akikalake. Dieu connaît chaque mouvement de ta vie. Mungu yuko najua kutembea kote kwa maisha yako. Tu pénètres loin ma pensée. Uko naingia mpana mawazo yangu. Tu pénètres ma pensée même au-delà de ce que moi-même je me connais. Uko naingia mawazo yangu kupita hata vile mimi najijua. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Uko najua wakati niko natembea na wakati niko nalala. Et tu pénètres toutes mes voies. Na uko naingia mawazo manje yangu yote. Ta vie t'a bien compris. Daudi alielewa mzuri. C'est pourquoi nous avons toujours dit. Ndio kwa maana tunasema kila mara. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Mungu anatujua kushindia vile shibe yenyewe tunajijua. Mon frère, tu ne te connais pas. Nduku yangu haujijue. Ma soeur, tu ne te connais pas. Dada yangu haujijue mzuri. Si vous voulez vous connaître. Kama unapenda kujijua, restez derrière la parole de Dieu. Bakia kumukongo ya neno ya Mungu. Obéissez à la parole de Dieu. Utiku neno ya Mungu. Vivez la parole de Dieu. Ishi neno ya Mungu. Faites la volonté de Dieu en toutes choses. Fanya mapenzi ya Mungu kila kitu. C'est à ce moment-là. Ni mwile wakati. Que tu te connaîtras mieux. Utajijuaka mzuri. Mais Dieu lui te connaît. Lakini Mungu yeye anatujua. Il connaît nos sentiments. Anajua mawazo yetu. Il connaît nos pensées. Anajua mawazo yetu. Il connaît nos projets. Anajua mamapu yetu. Il connaît notre avenir. Anajua kule maisha yetu itaishia. Il connaît nos désirs. Anajua mania yetu. Il connaît notre soif. Anajua kiu yetu. Il connaît tout. Anajua biote. Nous ne sommes pas cachés devant Dieu. Atuna bene kufichama kumbele ya Mungu. Des fois nous agissons comme des insensés. Mara mingi tunatendaka saba jinga. Nous pensons que tunawajiaka kusema Dieu ne nous connaît pas. Pe Mungu asitujue. Dieu ne nous voit pas. Mungu asituone. Et on commence à vivre comme des païens. Na tunaanza kuishi kama wapagano. Sawa pagano wanamuke. Non frère. Hapana nduku. Non ma sœur. Hapana dada yangu. Si tu sais que Dieu te voit. Kama unayo hata kusema Mungu yuko nakuona. Les de Dieu te surveille partout. Licho ya Mungu yuko nakuangalia fashi yote. Uchie. Kule wiko. Que ça soit pendant la nuit. Ikuwe katikati ya busiku. Que ça soit pendant la journée. Ikuwe mchana. Que ça soit à la maison. Ikuwe kumulango. Que ça soit en voyage. Ikuwe msafari. Que ça soit dans la cité. Ikuwe msite. Que ça soit au champ en brousse. Ikuwe kumashamba au kumpori. Partout uchie Dieu te connaît. Fashi yote kule Mungu yanakujua. Il y a un mec qui te surveille. Uko licho yuko nakuangalia. Frère. Nduku, ma soeur, dada yangu, cela t'empêchera, ile takuzibiria, de vivre dans le péché. Upate kuishi muzambi. Nous commettons beaucoup d'erreurs parce que on ne pense pas que Dieu nous voit. Tunafanya makosa ya mingi juu tunawaza kusema Mungu asituone. Nous sommes pas méconnus de Dieu. Atuna bakukosa kujulikana na Mungu. Notre situation, mambo yetu, est connu de Dieu. Mungu anaijua. Tout ce qui peut arriver dans notre vie, je le connais. Dieu connaît le jour de ta mort. Dieu connaît comment, dans combien d'enfants tu auras. Il connaît combien de fois ton cœur battra. Dieu connaît les pas que tu feras. Il connaît combien de fois tu vas couper tes ongles. Il connaît la longueur de tes cheveux. Il connaît tout. Il connaît. Anajua. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. Et regardez. Na angaria. C'est toi qui m'as formé au verset 13. Qui a formé mes reins. Niwe ulitunga viungio vyangu. Qui m'a tissé dans les seins de ma mère. Urinishona mutumbo ya mama yangu. C'est lui qui nous a tissé. Ni yeye ndio alitushona. Il connaît la matière avec laquelle il nous a tissé. Anajua vitu navyo vile ambayo alitutungaka navyo. Même quand vous tombez malade, hata wakati unaanguka magonjwa, Satan il vient détruire un élément avec lequel Dieu t'avait tissé. Shetani kunakuwa kuharibisha kitu kimoja kile ambao Mungu aliungaka. C'est lui qui t'avait tissé. Lakini yule alikushonaka. Peut remplacer cet élément. Anaweza badilisha kile kitu. Et vous donner la santé. Na nakuburia afya. Il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Hakuna kile kinashangaishaka Mungu wetu. Il n'y a rien de difficile de la part de notre Dieu. Hakuna mambo ya nguvu kwa Mungu wetu. Dieu nous demande nous. Ile Mungu anatulomba sisi. En tant que ses créatures. Sawa biumbile vyake. En tant que ses enfants. Sawa watoto yake. C'est lui faire confiance. Ni kumutumainia tu. Le croire. Kumwamini. Qu'il est le tout puissant. Kusema ni Mungu mwenyezi. C'est-à-dire. Ni kusema. Il est capable de créer. Eko na uwezo ya kuumba. Là où il n'y a rien. Bafashi pale hapana hata kitu. Sa parole elle-même. Neno yake yenyewe. Inaumbaka. Si tu n'as pas de vie, kama ona na bujima, il est capable de te donner la vie. Eko na uwezo ukaburia bujima. Si tu n'as pas la santé, kama ona na afya, il est capable de te donner la santé. Eko na uwezo kukupa afya. Même si tu es un bois mort, hata kama uko mwiti ya kufa, il est capable, eko na uwezo, de te donner la vie. Na ukaburia bujima. Que tu deviennes un bois vivant. Na unakuwa mwiti yenye kuya hai. C'est vrai. Ni kweli. Il est le tout puissant. Eko il Mungu n'y a rien yote. D'impossible à lui. Hakuna kila kiwezekanaye kwa Mungu. Tout ce qu'il a résolu. Yote bila tout ce qu'il a pris comme décision. Yote bila bila il pango, fait. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Hakuna kile comme l'avons montré dans un enseignement. Que même ça, il n'y a pas suffisamment de démons. Hakuna pour empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a déjà résolu sur nous. Il est ajibiria Mungu atimize kile cha kupanga. Arrêtez sur nous. Yote Mungu apanga. Il accomplira. Certainement. Anapasha paka bitimize. Il n'y a aucun événement dans le monde. Hakuna maandamano pa dunia. Qui peut arrêter Dieu. Inaweza kushimamisha Mungu. Et si nous avons cette foi. Na kama tuko na ile imani. Réjouissons-nous d'avance. Tufurahie kwanza. Sema hakuna kitu. Ne peut faire obstacle à notre foi. Ile inaweza kushibiria imani yetu. Tout ce qui peut nous arriver. Yote inaweza kutufikia. Bien ou mal. Vizuri au vibaya. Concours. Biko nafanyika. Mu vizuri bila biko napenda Mungu. Alors vous serez sans crainte. Mwile wakati mtakuwa la boca. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Pourquoi vous avez là, vous avez peur d'être perdu? Jani ni mko na boka wa kupotea. Vous avez peur de se perdre. Munekala na boka wa kupotea. Je parle à ceux qui ont cru véritablement. Niko nasema na bale bariamini namna mungu. Pour suivre l'église non. Apana bale beko nafuata kanisa hapana. Je parle à ceux qui ont cru réellement. Niko nasema na bale bariamini vya kweli. Posez-vous la question. Mujulize kwanza. Quand tu étais fumeur, prostitué, wakati ulikuwa wakufuta tumbako, ngomba, wakufanya madawa, pourquoi Satan ne te disait pas là que tu es perdu? Jani shetani kula sikuanza kukuambia kusema unapotea. Pourquoi il n'est jamais venu? Il n'est jamais venu pour te dire non, toi tu es perdu. Jani nashia kuyaka kule jua kukuambia kusema unapotea. Tu te votais dans le péché. Des fois tu étais pire que les autres. Pourquoi Dieu a-t-il laissé tous ces autres là qui semblaient même être bons plus que toi, mais il vient seulement vers vous? Jani ni Mungu alachaka bale bantu bengine bote baranza kuonekana kwa hata watu bazuri kukupita. Me anakuita paka wewe. Pourquoi? Jani. Si tu devais être perdu, pourquoi Dieu est venu te chercher? Kama ulipasha kupotea, Jani ni Mungu alikuwa kutafuta. Ce message, cette prédication ou la parole que vous écoutez ici, vous n'êtes pas le premier, tu n'es pas la première. Il y a beaucoup de gens. Et je vous dirai, le 99,% de tous les habitants de Kambove ont déjà écouté, ont déjà entendu le message du temps de la fin. Les autres ont déjà été ici. Les autres, après avoir entendu, ils ont dit, c'est la vérité. Mais ils sont rentrés dans le monde. Ils sont rentrés dans les dénominations. Ils se réjouissent du péché. Mais pourquoi toi? Les jours que tu avais entendu ton premier sermon, tu avais entendu ta première prédication, Peut-être n'était même pas une prédication, une très grande prédication. Peut-être une exhortation. Mais ton cœur avait bougé en vous. Ton cœur t'avait dit que c'est la vérité. Reste ici. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu ne sors pas? Djani nuko hapa na wewe utoki. Il faut retourner comme les, il faut retourner dans le monde comme les restes. Si on a pas chaurudie ku dunia sabato wengine. Pourquoi quand tu viens écouter la parole? Tu n'es pas parfait, c'est vrai. Tu n'es pas parfaite, c'est vrai. Djani wakati unakoshikia neno ya Mungu, hauna kunyoloka, hauna kunyoloka ni bia kweli. Tu n'es pas parfait. Hauna kumkamilifu. Mais quand tu écoutes la parole. Wakati unashikia neno. Mais pourquoi? Djia nini sasa? Tu regrettes. Unegalamu kuzunika. Pourquoi tu te réponds? Djia nini unatubwaka. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Ulisha kujulizaka ile ulizo. Vous voyez frère. Unaona nduku. Dieu sait. Mungu anayua. Si tu es là, kama uko pale, commencez par croire que Dieu a un plan avec moi. Waanzia kukuyua kusema Mungu yuko na mapi na wewe. Un chrétien, un enfant de Dieu, Mukristo mtoto wa Mungu, ne regarde pas ses erreurs. Ashangalie kwa makosa yake. Dans la voie de Dieu, mu manjia ya Mungu. Nous apprenons à y marcher. Tunafunzaka ndio kutembea. Apprend à marcher. Wakati mtoto yuko nafunda kutembea, il peut tomber. Anaweza kuanguka. Il peut casser les histoires. Anaweza kuvunja bintu. Unaona? Il peut lui-même se briser la jambe. Anaweza hata kuvunjika yeye mwenyewe mkulu. Ce n'est pas ça un problème. Ila haina mambo. L'enfant doit être courageux. Mtoto anapaswa kwa hodari, apate kulamuka na endelee safari. L'enfant ne doit pas rester. Mtoto asipashe bakia. Unaangalia paka ile fasha aliangukia. Ni hapa ndio pale niliangukia. Atafanya nini? No, hapana. Munjia ya Mungu, munjia ki Kristo, tuko na jifunda kutembelea yamu. Parce que bu Kristo kwetu ni kitu kigeni. Kufuatana mbele na njia yenye tulizalikwa ni njia ya mbali sana na mapenzi ya Mungu. Tunazalikwa batoto ya bantu na tunazalikwa batoto ya shetani. Nous sommes venus par la voie du mal. Tulikuya munjia mubaya. Satan avait de l'emprise sur nous. Shetani alikuwa anatutawala. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande la nouvelle naissance. Aina kwa bule. Nouvelle naissance ya kwanza iko mubaya. C'est quoi naissance ya kwanza? Aina na okovu itetupeleka mumoto. Kama tunabakilia pa kwa ile naissance ya kwanza ile, tutenda mumoto tuko batoto ya shetani. C'est pourquoi Dieu dans son amour, ndio kwa maana Mungu mapendo yake, il est mort au bois du calvaire. Alikufa mwicha msalaba. Nous donner l'occasion de naître, la possibilité de naître de nouveau. Dieu tu kaburie bahati ya siku zalika mara ya pili. Afin de marcher dans ses voies. Dieu tu pate kutembea manjia yake. Munjia ki Kristo. Kama unafanya nkosa, hapana kubakiriria pa ile nkosa. Non mon frère, apana ndugu yangu. Non ma sœur, pana dada yangu. Paul a dit, Paul a risema, oubliant ce qui est en arrière. Musabu vyenye kuya bya zamani. Et nos yeux regardent où? Na macho inaangalia wapi? Devant. Mbele. Nous regardons la croix. Tunaangalia msalaba. Akuikala ke mtu yuko anatembea kwa naangalia kumkongo, hapana. Hata mule mwenye mtu alianza kutembea anaanguka, hata anza eko nende anaangalia paka pale anaanguka. Sasa anaanza kutembea juu ashanguke vile alianguka. Il contrôle maintenant ses pas. Anaanza kuchunguza sasa matua yake. Oui bien aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Dieu te connaît plus que toi-même. Mungu anakujua kupita na wewe mwenyewe vile unajijua. Il connaît ta vie. Anajua maisha yako. Il connaît tes goûts. Anajua magoo yako. Il connaît tes sentiments. Anajua mania yako. Il connaît tes aspirations. Anajua bila unahitaji. Il connaît tout. Anajua vyote. Il connaît ta vie. Anajua maisha yako. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. Même quand vous tombez malade, attends, quand tu n'as pas c'est lui qui t'a conçu. Il sait de quelle matière il t'a conçu. Ni yeye ndio alikushona na jua alikushona na nini? Il n'a jamais changé, il est le même. Ye balo kubadilika kani Mungu moya moya. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Je te loue. Niko na kusifu. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Muvile niko kiumbile ki adamani. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Matendo yako ni ya mashangaisho na nafsi yangu inaijua mzuri. Mon corps n'était point caché devant toi. Mwili yangu haikufichama mbele yako. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Wakati nilifanywa fasha ya kufichama. Tissé dans les profondeurs de la terre. Mwenye kushonewa mupana ya bulongo. Quand je n'étais qu'une masse informe. Wakati nilikuwa tu umbo. Tes yeux me voyaient. Macho yangu yalikuwa yananiona. Et sur ton livre était tout écrit. Na mukitabu yako biote bilikuwa byenye kuandikwa. Le jour qui m'était destiné. Mashiku yangu ya miku ikala nayo. Le jour qui m'était destiné. Mashiku yangu ile ulinipatia. Avant qu'on coquin Dieu n'existe. Mbele hata kukuya hata siku yangu moya. Mwenye siku na no jour. Mungu anajua mashiku yetu. C'est pourquoi chaque fois que mamba mabuloji. Oh bari mukuria ile bitu bya buwele wele. Uko mtoto wa Mungu. Uko mtoto ya shetani. Pante kuna mini binti ya bongo, maprofesia ya bongo. Ni batoto ya shetani. Batoto ya nyoka, shito kwa batoto ya Mungu. Mungu Kristo hata anajua kusema Mungu anesha kuniua. Anayua kusema, hakuna kitu kile ambacho kitawezi kufika maisha yake, kile Mungu anashangaa. Na kile kitu kitamufikia maisha yake, Mungu anekichungia na solution yayo. Dieu savait qu'on serait dans ce corps. Mungu alijua sisi tutakuwa mwili. Et il savait que nous mourions dans ce corps. Na alijua sisi tutafia mwili. C'est pourquoi il nous a promis la résurrection. Ndio kwa maana alitulaka kufufuka. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous ne craignons pas la mort de ce corps. Hatuogopa lufu la mwili. Nous craignons la mort de notre âme. Lakini tuogope lufu la nafsi yetu. Si notre âme est sauvée. Kama nafsi yetu ni kuokolewa. Mais nous mourons dans ce corps. Hatana tunakufa mwili. Mais lui va nous ressusciter. Ye atatulamusha, atatufufula. Nos jours sont comptés. Mashiku yetu kwenye kuhesabiwa. Et je le connais bien. Na Mungu anaijua mzuri. Voyez, il a commencé à parler à Jérémie. Alianza kusungumza na Yeremia. D'une manière rassurante. Munama na kukaburia hakikisho. Il dit. Anasema. Écoute Jérémie. Retournons dans notre livre de Jérémie. Turudia mkitabu kitu ya Yeremia. Avant, dans le verset 5. Mustari atano. Avant que j'étais formé dans les ventes de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, écoutez frère, écoutez ma soeur, dans cette vie ici, mwi maisha hii, tu ne peux jamais être ce que Dieu n'avait jamais fait de vous. Hautakuyaka kamwe kile Mungu asikukufanya wewe ukuye. Que ça soit dans le domaine spirituel, ikuye mukiro, que ça soit dans le domaine physique, au ikuye mukimwili. Kama Mungu akuandikiake kuuza nyumba, hata unafuana je auta uzaka nyumba. Mais une chose est certaine, auta lalaka inji. Tu auras toujours une maison à louer. Utakuwa na nyumba ya kulipia. Une maison pour t'abriter. Nyumba ya kukutania. Et Dieu te donnera toujours. Na Mungu atapata kila mara. Pour payer ton loyer. Makuta juu pate kulipa nyumba. Bintu vyote tuko navyo mumwili ni vile deja Mungu wa kumbingu alikuwa anaisha kuitutengeneze. Hakuna kitu kile amba utapata inja kile Mungu anaisha amba kukutengeneze. Aki haiko. Hata unafunda masomo unasema unakuya docteur ou je sais où. Na madiploma ta 50. Kama Mungu anasema hautatumika. Na ayakonaka uko natumika. Hata unapanda unashuka hautatumikaka. Utangaika na madiplome yako, itakozea munyumba na vile utakufa. Mais une chose est certaine, savez-vous que mtoto wa Mungu hautakufa na njala. Kama Mungu alikuandikiaka utajiri, je parle à la manière des hommes. Mungu alikuwa anakusema utakuwa franga mingi. Hata kama ukufunde, hata kama ukufunde masomo, kazi yako tu ni pa kulima mashamba au kuna kata makala au kuna lima miua, Mungu wa kumbingu atakupa franga paka mule mukata makala mule. Dieu fera des miracles. Papa miujiza. C'est vrai frère. Ni kweli ndio. Paka mule mashamba uko na lima mule. Hata uanza kulima 25. Paka ile 25. Dieu fera des merveilles. Mungu atafanya madamani. Lazima sasa. Ele Saint Esprit terrible. Hata wewe tu uko tu na kaene kitaka kwa mashamba. Mungu tu anakuinspirea sana. Weka mbele mandizi. Unaweka mandizi. Paka ile fashi yako ile, Mungu anatuma societe fulani, inakuja paka, inauza paka ile fashi yako ile. Kisha bei yenyewe atakulipa, inafunga bantu wote mashiki. Frère, Dieu est terrible. Mungu yuko wa mashangai. Les voies de Dieu, manjia ya Mungu, sont insondables. Hakuna namna ya kuiua. Kama tuko watoto ya Mungu, tubakie kumkongo ya neno la Mungu. Tufuanye paka kile Mungu yuko anasema, bile ye Mungu alizuchungia vitaonekana maisha yetu. C'est tout. Si vous voyez Jésus dit clairement. Yesu anasema namna ya wewe. Je premièrement. Tafute kwanza. Le royaume des cieux. Falme ya mbingu. Na waki yake. Le reste. Bile binabaki. Vous serez donné par-dessus. Matami kaburia sa matabishi. Vitu vya mwili ni matabishi. Kinuri afe. Biashipo kwa nafde. Je dis clair. Na Yesu kwa. Pale wanahangaika kwa kutajiri kupata mali. Ni mapagano. Pas de chrétien. Pana ba Christ. Pas de chrétien. Pana ba Christ bana muki. Mui dunia uko napata amo paka bila Mungu alitangiliaka kutaraisha. Namukiro ni namna moya. Kama Mungu alikutayarisha juu ya kutumika mzawadi fulani au mduma fulani, hata binapanda binashuka, Mungu mwakati yake atakupatia ile kazi. Hakuna cha kululumia. Kama Mungu alikuwa naka simu utakuwa diaka mkanisa fulani, tu le sera. Si je t'avais dit que tu seras un choriste ou une choriste, tu le sera. Kama Mungu alikuona wakuimba utakuyaka wakuimba. Si je t'avais vu être un prédicateur. Kama Mungu alikuona sasa kama mhubiri, utakuwa mhubiri. Hakuna kitu kitakuwa kujibebea shebe yenyewe. Hakiko. Hata kama wewe unapenda kuhubiri. Mais si je n'avais rien donné. Frère, utabishindwa. Si tenda tambari parce que ce n'est pas permis à kutaya bantu. Hata mkamboshi tu kwa bantu. Sio tena bali beko bahubiri bahubiri. Na aujourd'hui kama wanakuonesha huyu ni mhubiri. Ah alikuwa kama mhubiri, au tejika. Quelqu'un qui était prédicateur. Mutarwa mubiri. Qui a, même à un certain moment, il a été même pasteur. Mais aujourd'hui, lakini leo, si il faut les chercher, kama pesa tafuta, ni kuma nyumba ya bandumba. Vous direz quoi? Mutasema nini? Hakuna kintu kile ambao utafuanya muneno la Mungu au muimani kile Mungu akukwandikia yake. Sio mubintu biote ipo kutulizana. Hapana kwenda mbio mbio na Mungu, na hapana kwenda mbio mbio mambo ya Mungu, utakosa vitu vyote. Kile Mungu anaweza kukuchungia ni kiako, hakuna mtu hata moya atakunyang'anya kio. Si je t'avais prédestiné à parler en langue, kama Mungu alikutayarisha kwa lugha, reste dans la parole de Dieu. Bakia mneno ya Mungu. Oyo obeisa la parole de Dieu. Ki neno ya Mungu. Tu parleras en langue. Utasemaka kwa lugha. Tu vas prophétiser. Utatabiriaka. Hakuna cha kululumia. Dieu dit à Jérémie. Mungu anamwambia Yeremia. Moi, l'Éternel. Ni wa milele. Je t'ai consacré dès le sein de ta mère à être prophète des nations. Nilikuwa nishakukutayarisha. Jérémie alimwandikia kwa Mungu mkanda. Ce n'est pas Jérémie. Une Jérémie. Jérémie lui-même savait. Jérémie ne savait même pas qu'il existerait. Jérémie, je vais vous dire. Quand Lévi paye sa dîme dans le sein de son père, arrière-père, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et quand Dieu vient, il dit, Lévi a payé sa dîme d'Abraham. Là où il a chekumi yake kwa Abraham. Les dons, mazawadi, et les appels, na mwito, sont préordonnés. Inegalaka mkutayarishiwa. Par le Seigneur lui-même. Na Bwana yeye mwenyewe. Même dans l'exercice des ministères. Atamu kutumikisha mahuduma. On a yeba une destinée à être prophète des nations. Bali mtayarisha kuwa nabii wa mataifa. Mais comment on a beba kaja ina yako. Utateso bule. Na kama unabeba kaja ina yako, amuta kuyaka baraka shiku hata moya. Regardez quand je vous parlais dans la sacrificature, sur les appels au ministère. Angare wakati ni kuna sema. Ilikuwa wazi wazi. Faut bana me dit ceci. Ndugu bana anasema hivi. Pawe kuyua kusema Mungu aliniita kukaji fulani. Au alinita kuhuduma fulani, hakuna kutafuta ndoto. Regarde seulement ce que tu fais là, si Dieu le bénit. Si ce que tu fais, Dieu le bénit, soyez sûr que Dieu est avec vous. Mais comme Bile wewe uko na fuanya, Mungu amibariki, il faut que tu dises Mungu ana amo. Est-ce que Dieu est avec moi? Ce n'est pas compliqué. Même dans le mariage. Ata mundoa. Ni va se va frère, va langa ka kabule. Na va se. Ni va langa ka kabule. Ou ton frère, ana fata ou dada, ana katala, ou le monde ana kwa saki amajimu. Eko, ana ta kona, est-ce que, ni, mi, bam se kona nyone Dieu, ni se kuyambia, ba fi, ni. Donc, la souci ya boule. Utaoa mwanamke ni paka ule Mungu alikuandikiaka. Ule Mungu alikuandikiaka ule ndio utaishi naye msalama. Kama unaenda kujituika bibi hauna wako, hana wako, utaimba. Il en est de même avec les femmes. Ndio vile na wanawake. Hakuna mwanamke ule Mungu aliumba mwanamke atachelewa. Hapana. Mais kila mwanamke ataolewa mwakati yake. Ata 50 ans va te marier. Le mariage ne tient pas compte des années. Ndoa yangalie miaka. Dieu est terrible. Mungu yuko hatari. Batakuoa mu 50 ans, unaishi maisha moya mzuri sana, unakufa 60 ans. Mais il est 10 ans il est mariage il est. Nafsi yako inakuwa très consolée. Unasabu na mateso yote ya 50 ulipitaka. C'est comme une femme qui est grosse. Ni sawa mwanamke mko na mimba. Mnaona? Eko anahangaika, anahangaika na mimba, anahangaika na mimba. Wakati abuchunga kuzala, anaanza kulialia. Me kama tu anazala mtoto, anaona mtoto, ile mateso yote ya mimba anaisabu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une consolation. Dieu a répondu à faraja. Après, on a eu comme ça. Quand j'ai toujours vu après, on a eu un imam. On a eu un imam. Parce que je suis un imam. Comment je ne peux pas être catholique? Aura wa Mungu. Depuis, il y a un peu de tabernacle. Akuna ta frère moya. Et qu'on a eu un tupi à la Saoudi. Ça fait 15 ans. Beko na niangalia sawa wa mtu mwenye kupaka la mavi. Na wapaka na beko na ni, beko na nifuata hako. Mimi naomba Mungu, Mungu anilete bibi, anilete bwana, ni baba wapaka na beko na kuya. Sasa mimi naanza kuolewa na wapaka. Tu ne comprends pas les voies de Dieu. Awele manje ya Mungu. Kila kintu kiko na wakati yayo. Wikichunge Musa ya Mungu, ndio kile kitakuletea baraka. Usikitafute mbele ya saa. Kama unakitafuta mbele ya saa, haina Mungu atakupatia hayo, ni shetani ndio atakupatia. Na kile utapata kwa shetani ni mateso. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada yangu. Ça va, on s'arrête ici. Tunashimamia basi hapa. On n'a même pas terminé. Atukumaliza hata. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Dieu l'avait consacré dès le sein de sa mère. Mungu alikuwa ashakumtolea tangia mtumbo wa mama. Il l'avait établi comme prophète de la nation. Na kumweka sana nabii wa mataifa. Je crois que l'église est avec moi. Na waje kwa kanisa kwa pamoja na mimi. Je vous dis, je vous parle de cette manière. Mungu anasema na mimi namna. Pour enlever en vous, Dieu a kutosha ndani yenu toutes sortes de doutes. Ma aina yote ya mashaka, toutes sortes d'inquiétudes. Ma aina yote ya mangaiko, ne vous troublez en rien. Mushangaike mukintu. Hata kama leo banakuambia kusema uko na cancer, hapana kuhangaika. Mungu alijua sema utapata cancer, na Mungu anapenda anakupa ile cancer ile ndio utukufu yake. Na malaria shit tunapataka ndio utukufu ya Mungu. Vous voyez, tout ce que nous avons, tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas troublés. Un chrétien n'est pas troublé. Il est sûr de son Dieu. Il sait que son Dieu fait avancer toutes choses. Amin, asema kwa mtoto wa Mungu. Na vile vyote vitakufikia, ni paka mapenzi ya Mungu, ni Mungu atabirusu. Na uyua kusema, kile Mungu anaisha kukuonea, kile Mungu alikuandikiaka, pata utekipata. Na waamini ya kusema, maproje yote Mungu weko na yulu yako, nipaka ya bien. Hakuna proje mubaya hata moyo. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. C'est comme l'homme de Dieu disait, dans Psaume. Vile mtumishi wa Mungu anasema Zaburi. Hivi, je suis pauvre. Sasa niko maskini. Lakini l'Éternel pense à moi. Familia ananikumbuka. Est-ce que c'est un père? Juni baba. Mungu anetuyua. Na Mungu anaisha kutuchungia bintu bizuri. Biote vile Mungu anaisha kutuchungia tutaivipata. Biakiro na biakimwili. Tuvakie paka kumukongo ya neno la Mungu. Tuijimilie paka kumukongo ya Mungu. Tuishushe kumukongo ya Mungu. Tufanye paka kila ambao yeye anapenda, le reste lui-même s'en occupera. Ile ninabaki yeye mwenye atajangaikia. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Faites du bien au Seigneur. Mufanshie Mungu vizuri. C'est comme j'ai parlé à ma maison. Vile nilikuwa nazungumza na nyumba. C'est le proverbe 31 pour terminer. Proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse. Zaburi makumi tatu na moja ile unasema. Regarde comment proverbe dit. On a toujours utilisé cette écriture. Sur la femme naturelle. Je mwanamke wetu asili. Mais la véritable femme vertueuse. Lakini mwanamke mwema mzuri. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Ni bibi wa harusi wa Yesu Kristo. L'épouse de Jésus-Christ. Bibi wa harusi wa Yesu Kristo. Ne doit rien faire dans sa vie. Tu fais que tu mèches qui doit offenser son mari. Il est accroché à Bwana yake. Bwana Yesu Kristo. Faites tout. Fanya biote. Pour la joie de son cœur. Pour la joie de son cœur. Juu ya furaha ya roho yake. Proverbe dit. Mazaburi anasema. Cette femme-là. Ule mwanamke ule. Elle fait du bien et non du mal. Anaweza faire vizuri hapana vibaya. À son mari tous les jours de sa vie. Kwa bwana yake mashiku yote ya maisha yake. Et la seule manière. Namna tu moja. De faire le bien à notre Seigneur. Ya faire vizuri kwa bwana wetu. C'est d'accomplir chaque parole de sa part. Ni kutimiza neno yote ya kutokea kwake. L'obéissance. Kutii. À sa parole. Kuneno yake. Et cela nous donnera la bénédiction. Na ile tutakaburia baraka. C'est ce qui fera que le Seigneur ait confiance en nous. Njoo tamfanya Bwana tutumainie. Comme tout homme qui a une bonne femme soumise. Sa vile mwanaume wote mwenye kwa fidèle. Na bibi wa kutii mwenye kwa mwamini. Tumari mipe confiance. Bwana yake anamtumaini yaka. Unapenda Mungu akufanye confiance Dieu pendant que kuna vunja neno lake. Au bakie tout droit dans la parole. Hata kufanya confiance Dieu. Dieu dit une chose, toi tu fais autre chose. Mungu anasema kitu kimoja, wewe unafanya vitu vingine. Hapana nduku. Dieu nous connaît. Mungu anatujua. Il nous connaît bien. Anatujua mzuri. Il nous réserve de grandes surprises. Anatuchungia. De belles surprises. Vitu vizuri vya mingi. C'est pourquoi rester seulement derrière la parole. Restez dans sa volonté. Faites ce que lui désire. Faites la joie de son cœur. Et il vous bénira. Na atamibariki. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bwana mbariki tu amangaribi ya leo. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Ne soyez pas plein d'inquiétude. Hapana kuya na mahuzuni mahangaiko mingi. Laissez ton cœur libre. Laissez ton cœur être dominé par la parole de Dieu. Laissez ton cœur être dominé par la pensée de Dieu. Que la pensée de Christ occupe ton cœur. Le reste Dieu s'en occupera. Prions.